fait gaz quoi, ça fait gaz quoi. Attends ça, attends ça, scar, scar. Si tu pas biliche, si tu pas biliche. Ah ouais. Putain, des larmes coulent sans ma face. Le mal m'a eu, et pas question que je m'affaisse. Face à mes problèmes, et qu'on s'en sorte bien, c'est peu probable. Au sud de ma mère, j'ai tant à faire pour effacer le mauvais de sa mémoire. Mon âme est tellement sale qu'elle reflète dans le miroir. Je me vois mal, abandonné, livré à moi-même. Condamné à me demander si quelqu'un m'aime. Mais merde, c'est si troublant que je t'en parle en tremblant. Et ça me rend fou davantage, pris de vertige. Je vois le désespoir m'envahir parmi les obstacles. Comment envoyer une âme se verse quand on me traite de voyou? C'est rare que je dise merci. Ma vie à l'affiche en faille par trop de larmes versées. C'est l'arme averse de rimes qui shoot à l'apparence ceux qui me paraissent. Une larme à l'œil. Mais faut que ça reste, paraît sincère, ça sert à rien, y'a pire ailleurs. Y'a que le rap qui m'accueille, c'est pas à l'heure. Envers qui je dois me plaindre, j'ai la rage, j'ai l'envie de vaincre les sales races de flics qui se focalisent sur les bavures. Faire goûter le pavé, se faufiler, qu'ils pourrissent. Des larmes pour les proches, forcés par la rage qui me soulage. La boisse presse, faut que je trace pour semer. J'ai l'engage qui se poursuit, essayer de rimer. Pour moi, les miens, les sales, écart des larmes versées. Tant de larmes versées, pour des caprices, pour un versas. Aussi, il me semble que j'ai une festa versus un versus. C'est pas le plus important, des larmes pour le cri des remparts. J'en ai aussi pour les pauvres et les cris que je n'entends pas, ça fait un peu de peine. Parce qu'entre frères on n'est pas solidaires. On se tape et on se tue dans la tête. Pour être solidaire, faut short que mes textes soient plus connus qu'un best-seller. Par la grâce de Dieu j'espère gérer une bête de salaire. Tant des larmes séchées et la tristesse cousin c'est un peu lourd. Tu veux savoir ce que j'ai en moi dans son mec tu vas poilir. Tu vas poilir hein. Ah, SR Prod gars, SR Prod gars. Attends ça, attends ça. 4-0 ULIS quoi. Il m'a enfoiré. Preuve de force hein. Preuve de force. Pour le coup attends ça. Attends ça. Le siff là c'est mon style Babi. Scar, le siff. Yes. On représente.